Après avoir survécu à l'épidémie de typhus qui s'est répandue à l'institution Lowood, Jane a pu continuer ses études dans de meilleures conditions, puis est elle-même devenue maîtresse dans l'établissement. Ayant atteint ses 18 ans, elle décide de chercher un emploi d'institutrice dans une bonne famille. Après des semaines d'attente et de préparatifs, Jane entre enfin au service de Mr. Rochester à Thornfield. Accueillie par Mrs. Fairfax, la femme de charge de la maison, elle y débute son enseignement auprès de la pupille de son employeur, la petite Adèle Varence. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Quatrième épisode. Miss Eyre, vos heures d'études sont terminées pour aujourd'hui. Voulez-vous visiter le haut de la maison? Oh oui, avec plaisir. Est-ce que les domestiques habitent ces appartements? Non, ils sont logés dans de plus petites pièces situées derrière. Personne n'habite ici. Peut-être s'il y avait un revenant à Thornfield Hall. En effet. Il n'y a donc pas de revenant? Je n'en connais pas. Aucune tradition? Ni légende, ni histoire de fantôme? Je ne crois pas. Et pourtant, on dit que les Rochester furent une race plus violente que tranquille. Peut-être, après tout, est-ce la raison pour laquelle ils reposent si paisiblement dans leur tombe à présent? Oui. Après l'agitation fiévreuse de la ville, dorment bien. Où allez-vous? Sur les toits! Venez voir la vue qu'on a de là-haut! Mrs. Fairfax, avez-vous entendu? Qu'est-ce que c'est? Sans doute quelques servantes. Peut-être Grace Poole. Elle coud dans une de ses chambres. Quelquefois, Léa est avec elle et elles sont assez bruyantes. Grace! Trop de bruit, Grace! Vous rappelez-vous ses ordres? C'est une personne que nous avons pour coudre et pour aider Léa. Elle n'est pas sans défaut, mais en somme, elle fait l'affaire. Les mois qui suivirent, j'entendis souvent le rire de Grace Poole lors de mes promenades. J'entendais aussi ce murmure, plus étrange encore que ces éclats de rire. Je l'apercevais de temps en temps, elle descendait à la cuisine et revenait bientôt avec un pot de bière brune. J'essayai à plusieurs reprises de discuter avec elle, mais elle ne me répondit que par monosyllabes. À part elle, les hôtes de la maison étaient de braves gens. Mrs. Fairfax était, comme je l'avais imaginé, une excellente femme et de bonne éducation. Mon élève, pleine de vivacité, avait été un peu gâtée, mais comme on me la confia entièrement, je réussis bientôt à améliorer son caractère. Elle devint docile et fit des progrès suffisants. La vie à Thornfield se révéla agréable. Octobre, novembre, décembre s'écoulèrent ainsi. Un après-midi de janvier, Mrs. Fairfax me demanda de donner congé à Adèle, qui était enrhumée. La journée était belle, quoique très froide. Je mis mon chapeau et mon manteau et proposai à Mrs. Fairfax d'aller à Hay porter le courrier. Cette promenade de 2 miles me serait agréable. Je me mis en route. Il était 3 heures. Le charme de cette heure fugitive, c'était précisément sa brièveté. L'approche du soir et les rayons obliques du soleil qui s'abaissaient déjà sur l'horizon. 1 mile me séparait de Thornfield. Autour du chemin bordé d'arbres, on ne voyait que des champs. Je flânais jusqu'au moment où le soleil descendit derrière les arbres, les illuminant de pourpre et d'écarlate. Je repris alors ma route. Soudain, la lune apparut au sommet de la colline. Pâle encore, mais de minute en minute plus brillante, elle enveloppait d'un regard ami la petite ville nichée dans la verdure. Dans le silence absolu qui m'entourait, mon oreille distinguait, au loin, le murmure léger de la vie urbaine. « quelque chose. Éloignez-vous seulement un peu. Assez, pilote. Si vous êtes blessé, monsieur, et que vous ayez besoin de secours, j'irai en chercher. Merci, je ne me suis rien cassé. Une entorse, voilà tout. Vous devriez continuer votre chemin. Je ne vous abandonnerai pas sur cette route solitaire avant de m'être assuré que vous pouvez vous remettre en selle. Mais vous devriez être rentré vous-même. D'où venez-vous ? Du bas de la côte. Et je n'ai pas peur d'être dehors le soir quand il fait clair de lune. Je vais courir jusqu'à Hay avec plaisir pour chercher de l'aide si vous le désirez. De toute façon, je dois aller y poster du courrier. Vous demeurez dans cette maison Crenley ? À Thornfield Hall ? Oui, monsieur. À qui est cette maison ? À Mr. Rochester. Le connaissez-vous ? Non, je ne l'ai jamais vu. Vous n'êtes pas domestique, naturellement. Vous êtes... Je suis l'institutrice. Ah, l'institutrice, c'est vrai. Du diable, si je m'en souvenais. L'institutrice. Ah. Oh. Alors, excusez-moi si la nécessité m'oblige à recourir à vous. Venez, un peu plus près. Merci. Et maintenant, dépêchez-vous de porter votre courrier à Hay. Et rentrez aussi vite que possible. Allez! Cette figure était un tableau nouveau dans la galerie de mes souvenirs. Premièrement parce que c'était une figure masculine. Deuxièmement parce qu'elle était sombre, sévère et énergique. J'y songeais encore en entrant à Hay pour jeter le courrier dans la boîte. Je la voyais toujours en descendant la côte vers la maison. Arrivée à la barrière, je m'arrêtais un instant, croyant que j'allais de nouveau voir apparaître le cavalier et son chien. Je ne vis que la haie et un saule dénudé. Mes yeux surprirent une lumière qui s'allumait à une fenêtre de la maison, et me souvenant qu'il était déjà tard, je me hâtai de rentrer. Bonjour Léa. Bonjour Miss Jane. Qu'est-ce que c'est que ce chien ? Il est venu avec le maître. Mr. Rochester vient d'arriver. Ils sont dans la salle à manger. Et John est allé chercher le chirurgien car notre maître a eu un accident. Il s'est fait une entorse. Son cheval est-il tombé sur le chemin de Hay ? Oui, il a glissé sur la glace en descendant la côte. Bah alors le chien... Dès le lendemain, Thornfield était complètement changé. À chaque instant, on frappait ou sonnait aux portes. Des pas résonnaient dans le hall et des voix nouvelles parlaient sur des tons différents. La maison avait un maître. Ce ne fut pas facile de faire travailler Adèle ce jour-là. Elle courait à chaque instant à la porte pour essayer d'apercevoir Mr. Rochester. Quand je l'obligeais à rester tranquille, elle ne cessait de parler de son grand ami Mr. Edward Fairfax de Rochester et de faire des suppositions sur les cadeaux qu'il lui apportait. Ses bagages devaient arriver prochainement. Il y aura là-dedans un cadeau pour moi. Et peut-être pour vous aussi, mademoiselle. Monsieur Rochester m'a demandé le nom de ma gouvernante. Et si elle n'était pas une petite personne assez mince et un peu pâle ? J'ai dit que oui, car c'est vrai, n'est-ce pas, mademoiselle ? J'ai interrogé Adèle et j'ai constaté que vous vous étiez donné beaucoup de peine pour son éducation. Ce n'est pas une élève brillante, elle n'a pas de dons particuliers et cependant, elle a déjà fait de grands progrès. D'où venez-vous ? De Lowood, une école de charité. Ah, une institution de charité. Et combien de temps y êtes-vous resté ? 8 ans. Ça ne m'étonne pas que vous ayez l'air d'un spectre. Je me demandais pourquoi vous m'aviez rappelé les contes de fées quand je vous ai rencontré sur la route. J'ai failli vous demander si vous aviez jeté un sort à mon cheval. Qui vous a recommandé quand vous êtes entré ici? J'ai mis une annonce. Mrs. Fairfax y a répondu. Oui, et j'en remercie tous les jours la Providence. Miss Eyre est pour moi une compagnie inappréciable. Elle instruit Adèle avec beaucoup de soin et de bonté. Ne vous donnez pas la peine de faire son éloge, je jugerai par moi-même. Elle a commencé par faire tomber mon cheval. Oh, monsieur! C'est à elle que je dois cette entorse. Miss Eyre, avez-vous jamais habité la ville? Avez-vous été dans le monde? Non, monsieur. À quel âge êtes-vous entré à Lowood? À 10 ans environ. Et vous y êtes resté 8 ans. Vous avez donc 18 ans. Ma boîte! Ma boîte! Oui, voilà ta boîte. Va regarder ce qu'il y a dedans, petite parisienne que tu es. Et ne m'en rends pas compte de l'opération, qu'elle se fasse en silence. Tiens-toi tranquille, mon enfant, tu comprends? Je n'aime pas le babil des enfants. Il me serait insupportable de passer toute une soirée en tête-à-tête avec un enfant. Vous m'examinez, Miss Eyre. Me trouvez-vous beau? Non, monsieur. Ah, ma parole, vous n'êtes pas banale. Monsieur, je vous prie de m'excuser, j'ai été trop franche. J'aurais dû vous dire que les goûts diffèrent et que la beauté est d'une importance secondaire. La beauté de peu d'importance, par exemple. Vous me donnez maintenant des coups d'épingle. Continuez donc. Quel défaut me trouvez-vous? Mr. Rochester, permettez-moi de me rétracter. Je n'ai pas voulu vous envoyer une pointe. C'était une maladresse de ma part, voilà tout. Sans doute, c'est pourquoi je vous en rends responsable. Voyons. Critiquez-moi en détail. Mon front ne vous plaît pas? Eh bien, mademoiselle, ai-je l'air d'un idiot? Non, certes, monsieur. Mais vous me trouverez peut-être impertinente quand je vous demanderai si vous êtes un philanthrope. Allons, encore un coup d'épingle. Et tout cela parce que j'ai dit que je n'aimais pas la société des enfants. Non, je ne suis pas philanthrope, mais je suis consciencieux. Dans le temps, j'avais une sorte de bonté, une certaine pitié pour les isolés, les malchanceux et les naïfs. Mais depuis, la destinée m'a éprouvé. Et aujourd'hui, je me vante d'être aussi dur et aussi élastique qu'une balle de caoutchouc, vulnérable seulement en un point ou deux de sa surface. Est-ce que cela me laisse quelque espoir? Espoir de quoi, monsieur? De me corriger. De voir le caoutchouc se transformer en chair. Vous avez l'air bien embarrassée, Miss Eyre. Quoique vous ne soyez pas plus jolie que je ne suis beau, un air d'embarras vous va bien. Il vous permet d'ailleurs d'examiner les fleurs du tapis au lieu de passer en revue ma physionomie. Jeune fille, je me sens sociable et communicatif ce soir. Il me plairait de mieux vous connaître. Parlez donc, je vous en prie. Parlez. Mais de quoi, monsieur? De ce que vous voudrez. Vous voilà muette, Miss Eyre. Ah, c'est logique. J'ai donné à ma requête une forme absurde, presque insolente. Miss Eyre, je vous en demande pardon. Laissez-moi vous dire, une fois pour toutes, que je ne veux pas vous traiter comme une inférieure, que je ne veux revendiquer d'autres supériorités que celles que me donnent mon âge et mon expérience. Je vous demande simplement d'avoir la bonté de me parler un peu, de me distraire de mes pénibles préoccupations. Je suis toute prête à essayer de vous distraire, monsieur. Mais je ne puis choisir mon sujet, car je ne sais ce qui peut vous intéresser. Posez-moi des questions, j'y répondrai de mon mieux. Eh bien, tout d'abord, ne trouvez-vous pas que j'ai le droit d'être un peu autoritaire, et même brusque, à cause de mon âge et de mon expérience? acquise en parcourant la moitié du monde, tandis que vous viviez tranquillement avec les mêmes personnes dans la même maison. Si vous voulez, monsieur. Ce n'est pas une réponse. Ou si c'en est une, elle est irritante parce qu'évasive. Répondez-moi clairement. Je ne pense pas, monsieur, que vous ayez le droit de me donner des ordres parce que vous êtes plus âgé que moi ou parce que vous avez voyagé davantage. Non, votre supériorité dépend de l'usage que vous avez fait de votre temps ou de votre expérience. C'est vite dit, mais je n'admettrai pas cela, car ce ne serait pas à mon avantage, vu que je n'ai pas fait bon usage de mon temps, ni de mon expérience. Laissons donc la supériorité de côté. Vous voulez cependant bien admettre que je vous donne des ordres de temps à autre, sans vous froisser de mon ton impératif. L'admettrez-vous ? Je pensais, monsieur, que peu de maîtres prendraient la peine de demander si leurs salariés sont froissés ou piqués de recevoir leurs ordres. Salariés ? Vous êtes salariés, c'est vrai, je l'avais oublié. Cette raison pécuniaire vous décidera-t-elle à me permettre d'exercer mon autorité ? Non, monsieur, ce ne sera pas pour cette raison-là, mais bien plutôt parce que vous l'avez oublié. Je vous serrerai volontiers la main pour le ton avec lequel vous avez dit cela, franc et sincère, ce qu'on n'entend pas souvent de nos jours. Sur 3000 petites gouvernantes, il n'y en a pas 3 qui m'auraient répondu comme vous venez de le faire. Mais je n'ai pas l'intention de vous flatter. Sans doute avez-vous des défauts insupportables pour compenser quelques qualités. Oui, j'ai aussi mes défauts. Je le sais, et je ne m'en défends pas. Dieu sait que je n'ai pas le droit d'être sévère à l'égard des autres. À l'âge de 21 ans, j'ai été poussé sur la mauvaise voie. Mais depuis, je n'ai jamais repris le bon chemin. Ah, si seulement j'avais su résister. Quand vous serez tenté, Miss Eyre, songez au remords. Si vous saviez comme le remords empoisonne la vie. On dit que la repentance le guérit. Non. C'est en se corrigeant qu'on pourrait le guérir. J'aurais encore la force de me corriger si... Mais à quoi bon y songer ? Ne suis-je pas maudit ? Puisque le bonheur m'est refusé, j'ai le droit de jouir de la vie. Et j'en jouirai à quelque prix que ce soit. Alors vous vous avilirez de plus en plus. C'est possible. Et cependant, pourquoi m'avilirais-je, si je puis jouir d'un plaisir doux et pur ? Car vous avez l'air sérieux et solennel. Vous n'avez pas le droit de me faire des sermons, jeune néophyte. Je me borne à vous rappeler vos propres paroles, monsieur. Vous venez de dire que l'erreur amène le remords, et que le remords empoisonne l'existence. Qui vous parle d'erreur ? Je ne crois pas que ce caprice passager ait été une erreur. C'était bien plutôt une inspiration qu'une tentation. Il m'apportait un tel calme, un si grand soulagement. Je ne sais qu'une chose. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'une mémoire souillée était une perpétuelle torture. Or, il me semble que si vous vous appliquiez dès à présent à corriger vos actes et à élever vos pensées, vous auriez dans quelques années amassé un trésor de souvenirs auquel vous pourriez vous reporter avec joie. C'est bien pensé et encore mieux exprimé, Miss Eyre. Aussi, en ce moment même, suis-je en train de paver le chemin de l'enfer de bonnes intentions. Monsieur, je... Oui ? Je le pave de résolutions aussi durables que le granit, je le crois du moins. Je vais changer d'amis comme d'occupation. Seront-ils meilleurs ? Sans doute. D'autant meilleurs que l'or pur est préférable au plomb. Vous avez l'air d'en douter. Je ne doute pas de mes intentions. Je sais vers quel but je tends. Vous êtes homme, et faillible par conséquent. Et vous, ne l'êtes-vous pas ? Alors ? L'homme faillible ne doit pas s'attribuer un pouvoir qui n'appartient qu'à la perfection divine. Quel pouvoir ? Celui de déclarer juste toute action étrange et bizarre. Juste. C'est bien le mot, vous l'avez dit. Puissiez-vous demeurer juste alors ? Où allez-vous? Je vais coucher Adèle. Son heure est passée. Je vous effraie parce que je parle comme un sphinx. Vos paroles sont énigmatiques, mais bien qu'elles me surprennent, elles ne m'effraient pas. Si, vous craignez de faire une maladresse. Oui, dans ce sens, j'ai des craintes, car je n'ai aucun désir de dire des sottises. Vous ne riez donc jamais, Miss Eyre. Ne prenez pas la peine de répondre. Je vois que vous riez. C'est le couvent de Lowood qui pèse encore sur vous. Vous craignez, en présence d'un homme, de sourire trop franchement, de parler trop librement, de remuer trop vivement. Mais peu à peu, j'espère que vous apprendrez à être naturel avec moi. Vous voulez partir? 9 heures sont sonnées, monsieur. Qu'importe. Attendez un instant. Adèle n'est pas encore prête à aller se coucher. Il y a 10 minutes, elle a sorti de sa boîte une petite robe de soie rose et l'a dépliée avec un véritable ravissement. La coquetterie coule dans ses veines, pénètre son cerveau et la moelle même de ses os. Elle s'est précipitée hors de la pièce avec Mrs. Fairfax. Je suis sûr qu'elle est en train de revêtir la robe. Elle va revenir et je sais que je vais revoir une image miniature de Céline Varance, telle qu'elle paraissait sur les planches au lever du rideau. Est-ce que ma robe me va bien? Et mes souliers? Et mes bas? Tenez, je crois que je vais danser. Monsieur, je vous remercie 1000 fois de votre bonté. C'est comme cela que maman faisait, n'est-ce pas, monsieur? Précisément. Et c'est comme cela qu'elle a tiré mon or anglais de mes poches. Moi aussi, j'ai été naïf, oui, naïf. Mon printemps s'est écoulé en me laissant cette fleur de France, dont je voudrais à bien des égards être débarrassé. Je n'estime plus la racine dont elle est issue. J'ai quelque affection, cependant, pour cette fleurette, surtout quand elle a l'air artificielle, comme en ce moment. Je la garde et je la cultive dans un esprit d'expiation, pensant qu'une bonne œuvre peut effacer de nombreux péchés. Je vous expliquerai tout cela un de ces jours. Bonsoir, mademoiselle. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. 4e épisode. Avec Julie-Marie Parmentier, Éric Herson-Macarel, Bernadette Le Sachet, Sophie Froissart, Jean-Claude Bonifay, Sarah Caponi, Sandy Boisard. Et les voix de Sophie Dole et Manon Jusforgue. Bruitage, Patrick Martinache, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Musique originale, Denis Chouillet et le quatuor à cordes Cactus. Équipe de réalisation, Claude Niort, Manon Houssin, Vivien Demeyer, Juliette Eman.